样吧，好，谢谢。 哇，putain， 1400， t'es fou toi， ça fait cher. Oh. Moi, je paye 600. 650. J'ai pas compris. Thank you. manque des accords. Je n'ai pas tout trouvé. J'ai pas tout compris. Les accords. Je connais pas le morceau en fait. Thank you. Ou alors tu me donnes les paroles. Merde. du synthétiseur. c'est quoi ça?